AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ici, en fait, on est dans ce qu'on appelle le jardin écologique, le Muséum national d'histoire naturelle. C'est une partie du jardin qui était totalement fermée après la guerre. Ça s'est développé un peu naturellement. Et c'est un endroit qui est aussi, du coup, en insectes particulièrement riche. Des insectes et des hommes, de la nécessité de cohabiter. Un petit nid de frelon. Si vous voyez, il y a un reste de nid de frelon ici. Les frelons asiatiques, ils ont la particularité de construire des nids à hauteur d'homme au début, et dans 70% des cas, à partir de juillet-août, ils vont déménager vers un autre nid qu'ils construisent en hauteur. Et donc celui-là, on l'a découvert quand la colonie avait déjà quasiment entièrement déménagé, donc du coup on l'a laissé. Mais normalement il y a un nid quelque part au-dessus, je sais pas encore où. En fait il avait deux noms vernaculaires, c'était le frelon velouté, et en anglais c'est le frelon à pattes jaunes. Et son nom latin c'est Vespa velutina. Et moi c'est Quentin Rome. Et je suis spécialiste de guêpes et de fourmis. Et après, c'est essentiellement l'invasion du frelon asiatique qui me prend le plus de temps. Ceux qui sont arrivés chez nous, ils viennent de Chine, des provinces qui entourent Shanghai. C'est une région qui est très commerciale. Et on sait, par des études génétiques, que la population qu'on a en France est arrivée d'une région, donc de Chine. Donc c'est dans le Yixing, où ils produisent notamment des poteries à destination horticole. Et les poteries, on est allé voir là-bas, elles sont entassées les unes dans les autres, emboîtées les unes dans les autres et remplies de paille. Ce qui est idéal pour que les reines de frelons viennent passer l'hiver. Et en fait, ces poteries ont été transportées, importées dans le sud-ouest de la France. Et là, les femelles se sont réveillées. Et la première observation date de 2004, dans le Lot-et-Garonne. Et à partir de là, la population s'est développée et a grandi de façon assez importante. On est sur un front d'invasion de à peu près 80 km par an. Et aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire français et les zones favorables des pays voisins sont déjà colonisées. Le frelon asiatique, prenant n'importe quel type de bois, il a un nid qui est en général très rayé, des rayures qui vont du blanc au marron foncé, et voire il y a un petit peu de vert par moment. Donc c'est un nid qui va être entièrement fermé, et là... un nid de frelon asiatique mature, il peut faire 60 cm de diamètre, 80 cm de haut, et il est en général situé à plus de 10 mètres dans les arbres. Alors le frelon asiatique, donc Vespa velutina, c'est un prédateur de l'abeille domestique, mais aussi d'autres espèces d'insectes, et ce qu'il va faire, c'est surtout chasser des espèces qui vivent groupées. Lui, il vient, il attrape une abeille, il la ramène à son nid, il va dire où c'est et il se relaie devant. Mais lui, son intérêt, c'est que la colonie d'abeilles survive, parce que sinon, il n'a plus rien à manger. Notre abeille européenne, elle n'a pas coévolué avec des frelons qui chassent de cette manière. Et du coup, voir le frelon en vol stationnaire devant la ruche, les abeilles se mettent à avoir peur et elles arrêtent de sortir. C'est un prédateur d'abeilles en tant que tel, un frelon va manger des abeilles, mais sur la colonie, il n'est pas censé avoir d'impact. Il est censé l'affaiblir un petit peu, mais pas entraîner la mort de la ruche. Les abeilles asiatiques, les espèces sociales d'abeilles asiatiques qui sont chassées par les frelons, elles ont des comportements de défense, voire des mécanismes qui vont les effrayer. Elles vont bouger leurs ailes en synchronisé, ça fait peur aux frelons, ça fait un reflet. Ou alors elles vont carrément sauter sur les frelons et elles peuvent faire monter la température et cuire les frelons. Cuire ? Le frelon meurt à une température qui est légèrement inférieure à celle de l'abeille, donc du coup le frelon meurt d'hyperthermie, mais bon, on peut considérer qu'il est cuit. Donc si on arrive à sélectionner des souches qui sont moins effrayées ou... Dans ce cas, on limite déjà beaucoup l'impact du frelon asiatique sur l'apiculture. Cette année, on est au tout début du mois de septembre, on a déjà trouvé 4 nids dans le jardin des plantes, qui est le record qu'on a depuis le début de l'invasion, enfin depuis qu'il est arrivé à Paris en 2016. Quand j'étais enfant, j'étais parisien, et si je voulais regarder des insectes, il fallait les élever, donc forcément j'ai élevé des colonies de fourmis notamment. Donc forcément on s'y attache un petit peu, quand on garde une colonie 10 ans, c'est un peu comme si on avait un animal domestique. Et il y a des colonies de frelons qu'on a suivies des fois sur tout leur cycle de vie. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, quand on doit la détruire pour aller étudier et la disséquer, bah, ça fait toujours un petit, y a un petit pincement. On a suivi la colonie, on est habitué à ses sautes d'humeur, on voit bien comment elle réagit et puis bah, on doit l'éradiquer, ça fait un petit truc. J'ai pas une belle histoire où je vais vous dire que je regardais les papillons quand j'étais petite. Je regardais les papillons, mais aussi les oiseaux et les poissons, et je m'intéressais à la vie de manière générale. Mais c'est vrai que j'ai une fascination pour leur mode de fonctionnement, pour leur communication, pour l'efficacité de tous les phénomènes auto-organisés qui existent au sein des insectes. Il y a plein de choses fabuleuses, quoi. Je suis Anne-Catherine Mailleux, je suis à la base entomologiste, donc chercheuse. J'essaie de comprendre le monde des insectes. Et en 2013, j'ai créé ma propre boîte qui s'appelle Domubios. Notre but, c'est de développer des pièges, mais sans toxiques, et basé sur l'étude du comportement, encore une fois. Donc on essaie de vraiment comprendre où les insectes aiment vivre, ce qu'ils aiment faire, où ils aiment se réfugier, se reposer, et on fait des pièges qui les attirent naturellement parce que ça ressemble à leur refuge. Les encercler, les conduire des centaines de poules en omnibus au milieu de ces champs. Pour attirer les fourmis au bas de l'arbre, présentez-leur un morceau de sucre ou de miel. Pour en finir avec les insectes. Au début de la belle saison, dès que les fleurs commencent à apparaître, il y a lieu de procéder à la récolte des insectes. Les épouvanter. Si un crapaud cloué sur la porte de la grange protège des charançons, autant de Pline, le grand naturaliste latin, ont dressé un pal au milieu du carré de choux à protéger. Sur ce pal, on dispose un crâne. Les asphyxier. La destruction des moustiques par le cactus et tous les cactus épineux. De destruction des moustiques. Maintenant, on se retrouve devant des insectes ou des acariens qui ne réagissent plus aux toxiques. Donc on est devant un vrai problème, que ce soit au niveau agriculture, que ce soit dans les maisons, que ce soit partout, d'insectes et d'acariens résistants aux toxiques. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment repenser notre manière de lutter contre ces bestioles. Pas que je les aime pas, hein, je les trouve super intéressantes, mais quand même, à la maison, chacun sa place. La nuit tombe. J'enfile mon scaphandre pour affronter l'ennemi, suite à manches longues, pantalons, chaussettes, écharpes. J'allume la lumière, l'ennemi n'attaque théoriquement que dans le noir. Je m'allonge sur le matelas, recouvert d'une housse hermétique. Je retarde le plus possible le moment de m'endormir. En fait, c'est là que tout a commencé. Je me suis fait piquer, et puis ça se mettait à gonfler, au point que, d'ailleurs, un beau jour, je ne pouvais même plus marcher. Marguerite Gâteau, victime d'invasion de punaises de lit. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, parce que j'étais la seule à souffrir de ça. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre et j'ai déménagé, je suis allée dormir à côté, dans le salon. Et là, terminé, j'étais plus piquée, quoi. Donc on faisait chambre à part. Puis un jour, j'en ai eu marre, je suis quand même revenue dans la chambre à coucher et rebelote. L'ennemi n'attaque son adversaire que lorsqu'il est plongé dans un sommeil profond. J'essaie de ne pas penser aux 10 minutes que l'ennemi va passer sur les rares parties découvertes de mon corps pour me sucer le sang après m'avoir anesthésiée. Au début, quand la punaise des lits était un gros problème, bah, on vivait avec. Et puis ensuite, il y a le DTT qui est arrivé. On a quasiment à un moment éradiqué le problème de la punaise des lits. Puis maintenant qu'elles sont devenues résistantes, le DTT, les insecticides, basta, elles s'en foutent. Il faut dire aussi que nos maisons sont devenues vachement confortables. Hein. En un siècle, c'est devenu chaud, humide, température constante. Il y a pratiquement toujours à manger. Il y a un siècle ou deux, on était dans des fermes, pas fermées, dans maisons de la paille souvent. Enfin, les maisons sont devenues vraiment, vraiment confortables pour nous, mais pour les insectes aussi. Donc la punaise se développe, et alors on a étudié les pièges faits pour les tuer. Et là, on s'est rendu compte que les pièges qui existaient sur le marché, c'était souvent des petites tentes avec un plancher couvert de colle. Alors la punaise qui se balade, qui rencontre ce piège, bah, elle, avec les pattes, elle va tâter cette glu. Et franchement, mettre les pieds dans la glu, elle n'aime pas ça du tout. Donc ça a un effet répulsif, elle s'en va. Ces pièges sont là et en gros, ils ne servent à rien parce que l'animal repère la colle avec ses pattes et déteste la glu. Alors de temps en temps, on a un animal paniqué parce que la lumière vient de s'ouvrir ou parce qu'il y a eu un gros bruit qui court et qui va terminer sa vie dans les pattes engluées. Mais c'est plutôt un accident. Alors on s'est dit, ah zut, comment fait-on pour tuer ces animaux ou en tout cas les attirer dans un endroit qui leur plaît et en plus les éliminer? C'est pas à cause des bêtes que ça crie, là, je pense. Finalement, au bout du compte, quand tu réfléchis, c'est pas si grave, ces bêtes. Je veux dire, c'est que des bêtes, et bon, elles te piquent, c'est très désagréable, et moi j'enflais, c'était pas très agréable. mais elle ne t'apporte aucune maladie. Après, c'est l'enfer parce que parce qu'on n'arrive plus à dormir. On ne supporte pas l'idée de dormir avec des milliers de bestioles quoi, qui grouillent. Et puis tout le truc est alimenté aussi par Internet, parce qu'on fouille, on apprend des trucs horribles, que chaque femelle pond 500 œufs par nuit, enfin... Donc on multiplie, on fait les calculs, on se dit qu'il y en a des millions, on devient fou, quoi. Les épouvantés, les livres pour en les finir avec les insectes, les ombres d'automne encerclées, présenter leur morceau de sucre ou de miel, les épouvantés, les asphyxies, les ombres d'automne, les épouvantés, pour en finir avec les insectes. Anne-Catherine Mailleux. Alors on a réfléchi, on a vu que ces animaux aiment bien les tout petits endroits, les endroits très serrés, les fentes, les fissures, les crevasses. Quand elles sont dans un lit, elles s'installent dans les bouchons qui tiennent les lattes en bois. C'est là qu'elles adorent se cacher, c'est très serré. Elles adorent ça, elles sont toutes plates les punaises. Donc se faufiler dans un truc où on sait passer sa carte Visa, c'est ok, c'est parfait, c'est vraiment là qu'elles se sentent bien, dans une crevasse. Donc on a fait des pièges qui ressemblent un peu à des crevasses. Ces pièges ont un toit en pente et la glu est sur le toit. Donc l'animal va rentrer dedans en se disant c'est tout petit, c'est une petite crevasse, j'aime bien, ça ressemble à un refuge. Il s'avance à l'intérieur de ce piège et à un moment, elles sont collées. Il n'a pas repéré avec la glu, avec ses pattes. Alors le troisième effet qui est vraiment sympa dans ces pièges, c'est que elles ne sont pas paniquées. Les animaux, les insectes, quand ils sont dans une situation où ils sont attaqués, vont envoyer des messages chimiques, encore une fois, qu'on appelle des phéromones d'alarme. Brut, brut, brut, il y a papa ici, fais gaffe. Dans ce cas-ci, elles sont dans un lieu tranquille, où il n'y a personne qui les embête. Ouais, c'est vrai, elles sont un peu embêtées, elles ne savent pas bouger. Mais pas plus que ça, il n'y a personne qui les attaque. Elles n'envoient pas de phéromones d'alarme. Au contraire, le piège va prendre progressivement leur odeur et va devenir de plus en plus attractif pour les autres, qui vont se dire « Ah ouais, tiens, une copine là, on rentre. » Nous n'invitons plus personne. Et d'ailleurs, plus personne n'a envie de nous fréquenter. Nous n'avons qu'une obsession et un seul sujet de conversation. L'ennemi, ses mœurs, son mode de vie, son cycle de reproduction. Nous sommes épuisés. On n'arrive à rien si on n'a pas passé au moins 6 mois à regarder la bestiole. Au bout d'un an de lutte, nous sommes ruinés, mais nous allons pouvoir revivre. Je pense qu'en tout, on a dû en avoir pour 5 000 euros. Parce qu'on a racheté 3 lits, on les a entièrement démontés, mais plusieurs fois, et passés au Karcher, on a acheté un Karcher. Payer le passage de l'entreprise, ça coûte cher. Plus on a fait appel donc au chien renifleur qui coûte cher aussi, plus à une troisième entreprise une fois qu'on a décidé que bon, c'était fini. Cela dit, ça fait un ménage incroyable dans la maison. Hein. On a jeté un nombre de trucs après les avoir désinfectés. Parce que tu ne peux pas jeter non plus des trucs infectés, sinon t'infectes tout le monde. On a mis quand même plusieurs mois avant d'être vraiment sûr qu'on n'en avait plus. Dans les industries qui luttent contre les insectes, ils ont ou contre les acariens, ils ont des bestioles qui sont en élevage depuis 20 ans, qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'il y a dans la nature. Par exemple, les produits contre les poux, nous, on les a testés sur du bon poux issu de cheveux de mioches, c'est-à-dire qu'on a été peigner les mioches et tester les produits, et en fait, en général, ça ne marche pas. Ça marche bien sur un poux qui est en labo depuis 20 ans et qui a été nourri sur du lapin, qui est gros, qui est gras, qui bouge plus, mais pas sur un bon petit poux qui a grandi dans les écoles et qui s'est accroché aux cheveux et à la vie, quoi. Et donc, on a développé des petits dispositifs qui leur permettent de boire du sang humain et de temps en temps, on va à la Croix-Rouge chercher des stocks. On a du poux, de l'authentique poux nourri au sang humain et de l'authentique punaise de lit nourri au sang humain, tout frais. Moi, je donne mon sang et on remplit en plus les prouvettes pour les sales bêtes. Le temps passe et le monde des humains se met à reprendre couleur. Nous oublions doucement tout ce grouillement souterrain qui nous entoure et nous menace, qui pullule encore pendant de nombreux mois dans nos rêves. Nous avons gagné la bataille, mais nous savons que la guerre n'est pas terminée. Ah, c'est une guerre qui s'arrêtera jamais. Hein. Les insectes vont toujours trouver des systèmes pour nous échapper, et nos pièges à punaises, ils fonctionnent très très bien. Et c'est vrai que quand je les vois encollés, parfois ça ne me donne pas trop voir ces bestioles, parce que je sais qu'elles vont mourir de faim. Mais bon... Les mouches vertes qu'on a dans les cages ici, qui sont marquées Lucilia sericata, c'est les mouches à merde. Damien Charabidze, chercheur de médecine légale, docteur spécialisé en entomologie. Et puis on a 2 autres sortes de mouches, Ici, vous avez Califora vicina et Califora vomitoria. C'est des mouches qui sont un peu plus grosses, un peu avec des reflets bleu métallisé. Et ça, c'est les mouches qu'on peut avoir dans les maisons. Le matin, vous vous réveillez, vous avez une mouche sur la fenêtre de votre chambre qui fait... Quand on les garde pendant assez longtemps, au bout d'un moment, elles en ont un peu marre de rester dans la cage à se taper contre les murs. Et elles sont un peu assommées. Mais quand il y en a beaucoup et qu'il fait bien chaud, ça s'agite. Depuis que je suis tout petit, je voulais travailler sur les insectes. Mes parents raconteraient que j'ai passé ma jeunesse à rapporter tout un tas de saletés à la maison, des papillons jusqu'aux scorpions. J'ai appris, je devais avoir 12-13 ans, que chercheur c'était un vrai métier. Je suis arrivé ici. J'étais pas du tout intéressé ni par les mouches, ni par les cadavres. Mais finalement, ça m'a passionné parce que je me suis rendu compte qu'on avait à la fois une partie qui relevait de la recherche fondamentale et puis une autre partie qui était complètement appliquée, puisque là, c'était la datation du décès, donc des policiers qui ont découvert un cadavre, qui prélèvent des asticots, qui vous disent « bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ?» Très souvent, la question, c'est « quand est-ce que la personne est morte ?» On a un petit morceau de cœur, et sur ce morceau de cœur, on a des mouches qui sont venues pondre, donc on voit des petits points blancs, parce que chaque mouche pond à peu près 200 œufs. Et tous ces œufs, bah ensuite, ils vont donner naissance à des asticots, donc là, ça fait pas grand-chose, mais dans 2-3 jours, ça grouillera d'asticots, ça fera vraiment un gros paquet d'asticots qui s'agitent dans tous les sens. Pour l'odeur, on s'habitue. Quand c'est un humain, c'est encore autre chose. Donc on est sur le site du centre hospitalier et on est dans un bâtiment qui est celui de l'Institut médico-légal. On a l'unité de taphonomie médico-légale, donc c'est une équipe de recherche qui s'intéresse à la décomposition des cadavres. Ici, on élève des insectes, des asticots, des mouches sur de la viande pour voir comment ils se développent. Ça remonte à la fin du 19e avec un scientifique français qui s'appelait Ménien qui a observé la décomposition des cadavres et qui a, à partir de ça, dit « on peut utiliser scientifiquement ces insectes pour déterminer le moment du décès ». Donc la première phase importante, c'est les prélèvements qui sont faits soit par les policiers ou les gendarmes, soit par le médecin légiste, ou des fois par un spécialiste, un entomologiste qui va se déplacer. On a eu un cas, il y a quelques années par exemple, où on avait une espèce qui normalement ne vit pas dans le nord de la France. Alors ce qui s'est passé, c'est pas du tout que le cadavre avait été déplacé, parce que la victime elle vivait juste à côté de l'endroit où on a découvert son corps. C'est plutôt que l'espèce en question, il y a d'autres chercheurs qui avaient démontré que pendant l'été, elle remontait au fur et à mesure et qu'on pouvait l'observer en Belgique, dans le sud de l'Angleterre et dans le nord de la France. Et donc ça nous a permis de conclure dans l'expertise que si cet insecte était présent sur le cadavre, c'est que pendant l'été, il y avait eu 2-3 semaines en fait où il avait fait suffisamment chaud pour qu'on observe cette espèce dans la région, et bien la personne était déjà morte. Et en plus, comme c'est une espèce pionnière, c'est une espèce qui vient sur les cadavres en début de décomposition, et bien que le décès il était survenu peu de temps avant cette période chaude. Et puis après, l'autre chose qu'on va faire, et ça c'est beaucoup plus courant, on a des insectes, s'ils sont là, ceux qui nous intéressent, ce sont ceux qui ne peuvent pas se déplacer, donc des asticots ou des larves d'insectes, on peut déterminer depuis combien de temps le cadavre est là. Alors, chez les insectes, on a les diptères. Bah, dans les diptères, les mouches, tout le monde voit ce que c'est, les moucherons, qui viennent souvent un petit peu plus tard dans la décomposition, parce que c'est des espèces qui sont intéressées, par exemple, par des graisses qui ont ranci, qui ont fermenté. Chez les coléoptères et scarabées, il y a les sylphes, c'est des insectes qui se nourrissent souvent sur des petits cadavres. Ils vont essayer d'enterrer les cadavres pour les protéger. Donc ils vont creuser un trou en dessous, ils peuvent se mettre à plusieurs, donc ils peuvent collaborer. Ils vont préparer le cadavre, ils vont enlever un petit peu la fourrure, ils vont déposer des sécrétions qui empêchent les bactéries de se multiplier. Ils vont mettre des œufs, et ces œufs, ça donne des larves, et les parents vont s'occuper des larves en leur donnant à manger. Donc il y a vraiment des soins parentaux, c'est un comportement qui est très évolué. Et on trouve ça chez ces sylphes, donc c'est des scarabées qui mesurent 2 cm à peu près, avec des taches rouges sur le dos. Si vous croisez un petit cadavre en forêt, vous y retournez, vous aurez sans doute des sylphes en dessous. Mais je me permets de vous arrêter, est-ce que ce que vous racontez là est recevable aussi pour un corps humain ? On n'aura quasiment les mêmes insectes. Il n'y a pas de différence entre nous et un cadavre de sanglier dans la forêt. On a aussi, chez les papillons, chez les lépidoptères, on a des mites. C'est les petits papillons gris qu'on a dans les maisons. Et ces petits papillons gris, bah, avant d'être des papillons, c'est des chenilles. Et ces chenilles, elles mangent des choses qui sont un peu rancides, et, par exemple des vieux gâteaux. Bah, sur un corps, elles vont manger du gras, des restes de graisse. Ou elles vont manger des cheveux. Les cheveux, c'est la même chose que les fibres de laine que vous avez sur un vêtement. Donc c'est de la kératine, c'est la même chose. Et donc on trouve des chenilles sur certains cadavres. Et puis après, on a donc tous les prédateurs, les petites guêpes parasites, des guêpes un peu plus grosses qui vont venir soit chasser les asticots, soit manger les œufs. On peut avoir des fourmis. Mais là, on est plutôt sur des opportunistes. Dès les années 80, aux États-Unis, il y a eu des sites où les scientifiques ont obtenu le droit de faire de la recherche sur des corps humains. Comment ça se passe si le corps est enterré, s'il est pendu, est-ce que ça se décompose pareil? Et à partir de ça, d'apporter des informations pour ce qu'on pourrait appeler la police scientifique. Et ça a été donc dans les années 80 la première ferme des corps. Il y en a eu plusieurs autres depuis. Actuellement aux États-Unis, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et puis maintenant, il y en a une en Australie. Il doit y en avoir une en Angleterre, c'est pas encore fait. Il y a un projet en Allemagne. Il y en a une aux Pays-Bas, mais uniquement avec des corps qui sont enterrés. Dans chaque tombe, et bah, il y a un enregistreur de température, il y a un hygromètre, un truc qui mesure le pH, vous avez une caméra, vous avez tout un tas de choses pour pouvoir faire des petits prélèvements, suivre les différents paramètres. Quand on fait des expériences avec des cadavres entiers, on a déjà fait des manips avec un cadavre de cochon, par exemple. Vous avez 30 kg de viande. Bah ça, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point vous faites apparaître de la vie sur quelque chose qui était mort. Et pour le coup, moi, je trouve ça plutôt réconfortant. On était au 6e étage d'un immeuble, une pièce complètement abandonnée, du béton, et une table avec un cadavre de cochon. 6e étage en centre-ville. Il n'y a rien. Environnement anthropisé, désert, mort, il n'y a rien. Au bout de 2-3 jours, non seulement ça grouille d'asticots, il y a des mouches qui vrombissent dans tous les sens, vous avez des guêpes, vous avez des petits moucherons, vous avez tout un tas de choses, mais vous avez aussi des pigeons qui viennent, parce que s'il y a des asticots, bah, ça fait de la viande à manger. Il y a des rats, il y a tout un tas d'animaux, des araignées qui commencent à arriver, un écosystème qui s'installe, et vous recréez de la vie à partir de rien. Et si vous attendez suffisamment longtemps, bah, vous aurez transféré la masse du cochon pour la transformer en insectes qui sont repartis ailleurs. Ah, mais là, j'ai une toute petite abeille aussi. Ouais. Toute petite abeille est partie. Tu la vois, la punaise ? Anne Dosière, directrice de Viginature, programme de sciences participatives sur la biodiversité. Moi, ça m'arrive souvent le midi, sur ma pause déjeuner, de venir faire une collection Spipoule. Ça fait du bien, on se vide la tête. Grégoire Loïs. Alors, ça, c'est une mouche. Viginature. Elle est partie, une anthracine. Elle va revenir. C'est une petite mouche. Alors, c'est vraiment la saison en ce moment. Alors le principe du suivi photographique des insectes pollinisateurs, il est assez simple, c'est ouvert à tous. Hein. L'idée c'est avec un appareil compact de faire pendant 20 minutes sur une espèce de plante en fleurs les photos de tout ce qui bouge, qui est vivant et qui bouge sur les fleurs. Vous voyez une petite araignée crabe là ? Ah oui. Qui attend les pattes grandes ouvertes, qu'il y a un pollinisateur qui vienne. Donc elle vit sa vie sur la fleur, mais elle fait partie de la communauté des espèces floricoles. Là-bas, une pierrite qui vient de se poser. Et donc, on a, avec un appareil photo tout simple, hein, et l'idée, c'est qu'on prenne une photo de la plante en détail, une photo de l'environnement, comme ça, et puis plus largement encore, histoire de pouvoir contextualiser. Araignée crabe, une pierrite, ouais, un beau bourdon fauve. Là, j'en ai pour 20 minutes. Hein. Pour que le protocole soit complet, une collection, c'est vraiment 20 minutes. Ce que permet Viginature, c'est de voir sur le long terme et à l'échelle des communautés ce qui se passe. Parce que c'est assez peu perceptible. On voit des espèces qui montent, des espèces qui descendent, mais faire le bilan de tout ça, c'est un petit peu difficile. Un truc quand même néanmoins qui parle à tout le monde, c'est les histoires des pare-brises. Les pare-brises, ils sont relativement propres. Les pare-brises, avant, c'était les produits lave-glace, il y avait marqué anti-insectes, pour décoller les insectes éclatés. Et effectivement, après, quand on regarde à ces grandes échelles, s'il y a des diminutions, il y a effectivement des diminutions qui sont très importantes. Là, sur les papillons, il y a des programmes qui sont un peu similaires aux nôtres dans d'autres pays d'Europe avec lesquels on partage nos données. Sur les 20 dernières années, il y a eu un déclin de 30% des papillons au niveau européen, dans les papillons de prairie. C'est une merveille, ce petit jardin alpin. Moi, chaque fois que j'y viens, je... Et on a le même genre de chiffres pour les oiseaux en milieu agricole. On est à 35% de déclin sur les 20 dernières années. Oui, tout à fait. Il est bien véritable. Alors la difficulté, c'est que les insectes, c'est énorme. C'est 1 million d'espèces connues par la science, peu connues, mais malgré tout 1 million d'espèces. Probablement beaucoup plus, de l'ordre de 3 ou 4 millions minimum. Et bien sûr, ces espèces vivent dans des milieux naturels qui sont complètement différents, de la forêt tropicale au champ ou à la prairie fauchée du centre de la France. Donc tous ces milieux, évidemment, ne subissent pas les mêmes perturbations avec la même intensité. Mais globalement, les insectes déclinent. Philippe Grandcola, systématicien, directeur de l'Institut de systématique, biodiversité, évolution, muséum, CNRS, Sorbonne. Alors la difficulté, c'est d'arriver à mesurer ce déclin, de dresser un tableau à l'échelle du globe qui explique quelles sont les causes principales, de manière qu'on puisse agir dessus. Et alors, le déclin, actuellement, il concerne probablement une disparition de la moitié des espèces d'insectes d'ici un demi-siècle. Il est clair que l'espèce humaine va se retrouver au milieu du 21e siècle dans une biosphère qui aura perdu la moitié de son contenu et dont les règles de fonctionnement, surtout dans le cadre d'un climat modifié, vont substantiellement changer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se repose sur des services gratuits, la pollinisation par les insectes, le recyclage de la matière organique dans le sol, la lutte finalement intégrée contre nos ennemis des cultures, tout ceci on en bénéficie, mais ce service actuellement il est en train de se dégrader parce que nous intervenons de manière négative sur les populations d'insectes. C'est pas une érosion, c'est un effondrement abrupt. C'est extrêmement rapide, très très au-delà de l'érosion. Stéphane Foucard, journaliste d'investigation scientifique au Monde. Maintenant, il y a deux études qui sont les plus citées sur le sujet, qui se sont intéressées, pour la première, à 63 zones protégées en Allemagne, c'est une étude qui a été publiée en 2017. C'est une étude rétrospective, c'est une étude où les chercheurs ont regardé les données qu'on avait accumulées sur ces 63 zones naturelles, insérées dans des paysages agricoles en général. Et ce qu'ils voient, c'est que sur ces 63 zones, on a une baisse de biomasse, donc de poids, d'insectes volants, de 75% entre 1989 et 2016. Et si on fait la mesure au milieu de l'été, on monte à 80% de baisse de biomasse d'insectes volants. Donc c'est un effondrement absolument radical. Et il y a une deuxième étude plus récente qui est de meilleure qualité scientifique, parce que c'est une étude prospective, c'est-à-dire que c'est une étude dans laquelle les chercheurs ont acquis année après année des données, dans l'objectif d'obtenir un résultat sur à la fois la baisse d'abondance des individus capturés sur certaines zones, la baisse de diversité des espèces rencontrées sur ces zones et également la baisse de biomasse. Et cette étude, qui a été publiée donc fin 2019, elle montre qu'entre 2008 et 2017, sur un échantillon de 150 prairies allemandes qui ont été échantillonnées régulièrement, eh bien on a une baisse de 78% de la biomasse de tous les arthropodes. On a une baisse de 67% du nombre d'individus capturés. Et on a une baisse de 34% de la diversité des espèces. Et ça en 10 ans. Et on est vraiment aujourd'hui dans un déclin des insectes qui a un peu deux grandes composantes. Composante tropicale avec le changement d'usage des terres et puis une composante plus tempérée avec l'agriculture industrielle et les intrants dans les cultures. La surface des terres cultivées augmente au-delà des besoins des populations humaines pour des questions d'appauvrissement des sols. Voilà. Les pesticides d'aujourd'hui, qui sont efficaces à 1000 fois moins de quantité, sont des produits relativement rémanents qui restent dans le milieu naturel. Et on a prôné pendant des années aussi une agriculture raisonnée dans laquelle on ne devait mettre des intrants qu'au moment où on en avait vraiment besoin, c'est-à-dire juste au moment où le problème allait survenir, pullulation d'insectes aux dépens des cultures. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu des solutions industrielles qui sont adoptées sans trop de réflexion environnementale, dans lesquelles en fait les graines sont enduites avec des pesticides et l'intrant reste dans le milieu naturel pour plusieurs années. La fin des années 90, c'est vraiment l'époque à laquelle on commence à prendre au sérieux les alertes qui sont lancées depuis quelques années par les apiculteurs, qui voient tout un tas de phénomènes anormaux se produire dans leurs ruchers. Des colonies qui s'effondrent sans raison, on ne retrouve pas les abeilles devant les ruches, des mortalités hivernales qui sont très élevées, qui parfois vont au-delà de 30%. Et à la fin des années 90, des chercheurs entreprennent de mesurer dans le pollen et le nectar des tournesols ou des colzas qui ont été traités avec une nouvelle famille de pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, dont on parle beaucoup en ce moment, en tout cas en France. et ils se rendent compte que les tests réglementaires qui essayaient de trouver la présence de ces pesticides dans le nectar et le pollen, eh bien, échouaient à les trouver parce qu'ils simplement ils n'étaient pas assez sensibles. Et qu'en baissant la sensibilité des tests, eh bien, on trouvait des traces de ces produits. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un certain nombre de scientifiques qui se sont réunis pour essayer de savoir si l'introduction de ces nouvelles générations de néonicotinoïdes n'était pas responsable, ou en tout cas en grande partie responsable, de l'effondrement non pas seulement des abeilles domestiques, mais aussi en fait, du reste des insectes et des arthropodes. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent et doivent être investiguées. Et parmi ces choses, il y a l'arrivée de ces insecticides, les fameux néonicotinoïdes. Et au terme de discussions et de réunions, en particulier une qui s'est tenue à la fin des années 2000 avec une dizaine, une quinzaine de chercheurs à l'université Paris-Sud, eh bien, au terme de ces réunions, ces chercheurs ont une hypothèse de travail qui est que le principal déterminant en termes d'effondrement des populations d'insectes, c'est l'introduction de ces nouvelles générations de néonicotinoïdes. Et ils ont plusieurs arguments pour le dire. Le premier argument, c'est que ce sont des insecticides qui sont extraordinairement efficaces et probablement les plus efficaces jamais synthétisées par l'homme. Ils s'attaquent au système nerveux central des insectes et ils ont une toxicité aiguë qui est de l'ordre du nanogramme. C'est-à-dire que pour tuer une abeille avec, par exemple, de l'imidacloprid, il faut quelques milliardièmes de grammes de produit seulement. Mais ils ont une autre caractéristique, ces produits, c'est que leur toxicité chronique est supérieure à leur toxicité aiguë qui est déjà immense. Ce qui veut dire qu'avec la même quantité de produit, si vous fragmentez l'exposition sur, par exemple, une semaine, eh bien vous pouvez tuer 1000 à 10 000 fois plus d'abeilles qu'avec une exposition aiguë. C'est crucial parce que ces produits sont utilisés en enrobage de semences. Quand vous traitez du colza, vous ne le traitez pas par pulvérisation, comme on imagine que c'est en général le cas s'agissant des pesticides, mais vous traitez vos cultures en enrobant les graines d'une résine qui contient le toxique. La plante, quand elle va pousser, elle va être entièrement imprégnée de petites doses de ce toxique, et c'est ça qui va la protéger des ravageurs. Et puisque toute la plante est imprégnée de faibles doses de ce toxique tout au long de sa vie, l'exposition de l'entomofaune auxiliaire ou les ravageurs, hein, elle est par définition chronique. On a transformé, en l'espace de quelques décennies, des paysages entiers en paysages insecticides. Une graine avec, par exemple, de l'imidaclopride, et ce sont des données de l'industrie, c'est-à-dire c'est l'industrie elle-même qui a obtenu ces données, vous la mettez dans la terre, la plante ne va absorber qu'entre 2 et 20% du produit qui a été appliqué sur la semence. Ce qui veut dire qu'entre 98 et 80% du toxique reste dans les sols. Et donc il y a une forte capacité à ces produits de s'accumuler dans les sols, sachant que les plantes qui seront ultérieurement plantées sur des parcelles traitées vont absorber une partie de ce toxique qui reste dans la terre. Quand on dit qu'on a créé des paysages insecticides, c'est vraiment ce que ça veut dire. On est dans un mode d'agriculture actuellement où l'utilisation de ces insecticides est devenue presque obligatoire parce que l'agriculture telle qu'elle s'est développée depuis le milieu du XXe siècle, c'est une agriculture qui est basée sur une homogénéité très forte. Emmanuel Porcher, professeur en écologie au Centre d'écologie et des sciences de la conservation du muséum. Il y a eu une disparition de tous ces éléments, haies, bois, etc., qui étaient des freins pour la mécanisation, par exemple. Il fallait des parcelles de très grande taille pour pouvoir faire passer des machines. Et ces éléments du paysage, ce sont des endroits où peuvent se développer des insectes pollinisateurs et aussi des insectes qui sont des prédateurs, des ravageurs des cultures. Et donc, dès lors qu'on fait disparaître ces éléments-là, on a besoin des pesticides pour contrôler les ravageurs. Et ce qu'il faudrait, c'est réussir à revenir à une situation qu'on pourrait qualifier d'agroécologie, où on revient dans des paysages qui permettent de soutenir des populations qui vont être des prédateurs de ces ravageurs. Et là, on aura beaucoup moins besoin d'avoir recours à des pesticides. Mais il faut vraiment passer un verrou. Alors l'avenir des insectes, il est très sombre, simplement parce que nous n'apprenons pas des erreurs passées. Stéphane Foucard, journaliste d'investigation scientifique au Monde. Aujourd'hui, il y a toute la connaissance scientifique qui est disponible pour réformer de fond en comble les procédures d'évaluation des risques par lesquels on autorise ou on interdit l'arrivée d'un nouvel insecticide ou d'un nouveau pesticide sur le marché. En 2012, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a produit un rapport de 250 pages pour expliquer à quel point ces procédures étaient aveugles aux risques que présentent les insecticides pour les abeilles en particulier, mais aussi pour les pollinisateurs sauvages, les bourdons et les abeilles solitaires. En 250 pages, l'EFSA a décrit toutes les failles qu'il y a dans l'évaluation des risques de ces produits, failles qui ont permis l'arrivée sur le marché dans les années 90 des néonicotinoïdes. En 2013, donc l'année suivante, l'EFSA a édicté un cahier des charges, tout ce que devrait passer comme test réglementaire, les nouveaux pesticides que les agrochimistes souhaitent introduire sur le marché. Entre 2013 et 2019, ce cahier des charges a été mis à l'ordre du jour du principal comité d'experts chargé de le valider, de l'inscrire dans la réglementation. Il a été mis à l'ordre du jour à 27 reprises. Et à 27 reprises, il n'y a pas eu de majorité parmi les États membres pour l'adopter. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où la Commission européenne a demandé à l'EFSA de refaire un cahier des charges. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on ne peut pas mettre en œuvre une politique ou qu'on ne veut pas mettre en œuvre une politique qui soit basée sur la science, eh bien, il faut fabriquer une science qui soit en accord avec la politique qu'on souhaite mettre en œuvre. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'affaiblir les exigences en termes de sécurité, sécurité sanitaire et sécurité environnementale des nouveaux pesticides qui vont arriver sur le marché. On est en train d'affaiblir ces niveaux d'exigence de manière considérable. Ce qui veut dire que dans les 10 ou 15 prochaines années, les pesticides qui vont arriver sur le marché, qui vont être présentés par les industriels au pouvoir politique, vont pouvoir passer à travers ce filtre beaucoup plus facilement et être utilisés dans les campagnes pendant des décennies avant qu'on, à nouveau, qu'on reprenne ces procédures réglementaires d'autorisation et d'évaluation des risques. Donc l'avenir, il est très sombre parce que le pouvoir politique ne souhaite pas, pour préserver des intérêts économiques à court terme, qui sont les intérêts économiques de la chimie européenne, hein, BASF, Bayer, Syngenta, etc., pour préserver ces intérêts à court terme. Et donc, il va se produire ce qui s'est produit depuis les années 90, c'est-à-dire qu'on va continuer à porter préjudice à la biodiversité, et en particulier aux insectes, à l'entomofaune, qu'elle soit l'entomofaune auxiliaire, qu'il s'agisse des ravageurs, ravageurs qui, d'ailleurs c'est ça qui est aussi terrible, quoi, qui s'adaptent beaucoup plus facilement que les insectes non ciblés qui sont également touchés par ces produits. Sur l'ensemble des plantes à fleurs, on estime qu'il y a à peu près 80% des plantes qui dépendent au moins en partie des pollinisateurs pour leur reproduction. Et donc ce chiffre, il est à peu près valable pour les espèces cultivées. Je pense qu'en Europe, c'est 3/4 des espèces cultivées qui dépendent des pollinisateurs au moins en partie pour leur production. Emmanuel Porcher. Alors en termes de production totale, c'est moins, c'est seulement un tiers, parce qu'en fait les principales grandes cultures que sont le blé, le maïs et le riz ne dépendent pas des pollinisateurs. Donc en termes de quantité, on n'est pas très dépendant des pollinisateurs, mais en termes de diversité, la production alimentaire des humains dépend des pollinisateurs et il y a certaines espèces qui ne peuvent pas produire sans pollinisateurs, donc beaucoup d'espèces de courges par exemple. Presque toutes nos sources de vitamine C sont des espèces qui dépendent complètement des pollinisateurs pour leur production. Et il y a des études qui montrent que la productivité de ces espèces dépendantes des pollinisateurs, elle est en train de diminuer à cause de la disparition des pollinisateurs. En termes de production totale, on n'est pas encore en diminution parce qu'on compense les pertes de productivité par une augmentation des surfaces cultivées. Mais potentiellement, on peut aller vers une situation où on sera limité par la présence des pollinisateurs pour la production de certaines ressources alimentaires. Grégoire Loïs. Même les passereaux, comme le bruant proyé, des oiseaux vraiment avec un gros bec fait pour casser des graines, au moment de l'élevage des jeunes, ils les nourrissent de bouillies d'insectes, donc de protéines. Donc en fait, les insectes, c'est un espèce de socle qui donne à bouffer à plein de trucs. Quand on a un printemps en zone tempérée, on a une explosion de biomasse végétale, hein, tout ça, ça fait de la bouffe. Et en fait, presque immédiatement derrière, on a une explosion de biomasse animale, c'est les insectes. Il y a des espèces qui sont strictement insectivores, hein, les hirondelles par exemple, les martinets. Sur les 35 espèces de chauves-souris qu'on a en France, il y a une espèce qui au moment de la migration nocturne des oiseaux, boulotte des petits oiseaux, mais sinon c'est strictement insectivore, quoi. Donc on voit bien qu'il y a une espèce, c'est, tout d'un coup c'est une espèce de manne au printemps, là, au printemps en été c'est une espèce de manne, et c'est pour ça le déclin des espèces d'oiseaux dans les milieux agricoles, c'est pas une mortalité directe par empoisonnement par les pesticides, ça peut se produire, mais c'est finalement assez rare. Ça a été constaté avec les néonicotinoïdes sur des pigeons ou des faisans par les collègues de l'Office national de la chasse, enfin maintenant OFB. Mais en fait, c'est plutôt une mortalité par affamement. L'industrie agrochimique, Stéphane Foucard, a financé et promu tout un tas de travaux qui font ce que les cigarettiers faisaient dans les années 50, c'est-à-dire qu'ils font de la diversion. C'est-à-dire que quand on accuse votre produit d'être responsable d'un phénomène, eh bien, les industriels, classiquement, depuis les années 50, c'est vraiment la boîte à outils de Philip Morris qui est utilisée et réutilisée depuis, les industriels vont essayer de documenter le plus possible toutes les autres causes possibles au phénomène qui est reproché à votre produit. Bayer a mis en place toute une stratégie de communication pour essayer déjà de séparer les deux problèmes que sont d'une part les problèmes rencontrés par les abeilles domestiques et les apiculteurs et d'autre part les problèmes rencontrés par la faune sauvage, par l'entomofaune auxiliaire, les pollinisateurs sauvages, les papillons, les bourdons, etc. etc. Et en se concentrant sur cet objet médiatique qu'est l'abeille, Bayer a essayé de faire valoir l'idée que ce serait un parasite, qu'on appelle le varroa, qui serait la cause majeure et déterminante à ce qu'observent les apiculteurs un peu partout dans le monde avec l'effondrement de leur colonie d'abeilles. Toute l'élégance de cette manœuvre, c'est que, en effet, les apiculteurs observent bel et bien qu'il y a une recrudescence de varroa dans leur ruche et que ce phénomène d'effondrement des colonies, il est intimement lié, ou en tout cas il est concomitant, d'une augmentation du nombre de parasites ou de pathogènes naturels qu'on retrouve dans une colonie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. Alors le problème, c'est que le varroa, ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Donc c'est un parasite qui vient d'Asie. Et il a été introduit dans les années 80 aux États-Unis. Et pendant 20 ans, il va y avoir évidemment des problèmes, mais pas de catastrophe générale dans le monde apicole américain. Et pour attendre cette catastrophe, il faut attendre 2005. C'est l'année qui suit la généralisation aux États-Unis des néonicotinoïdes, de l'imidaclopride en particulier, sur les grandes cultures. Les travaux ultérieurs, dès le début des années 2000, ont montré quelque chose de frappant, qui est que ces nouveaux insecticides ne font pas que tuer directement les insectes, ils altèrent tout un tas de fonctions biologiques, comme la reproduction, l'orientation, la cognition, mais aussi l'immunité. Et donc si vous baissez l'immunité d'une colonie, eh bien évidemment, elle va être plus susceptible à des pathogènes naturels, comme le varroa. Donc à partir de quelque chose de vrai, on construit quelque chose de faux. Et donc c'est une forme de tentative, en utilisant la recherche scientifique, de diluer la perception des risques qui sont associés à un produit. Et c'est exactement ce que va faire l'industrie agrochimique pour essayer de mettre dans le débat public, mettre dans la conversation publique l'idée qu'il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Le changement climatique, l'utilisation des sols, la perte de l'habitat, l'eutrophisation des sols, l'éclairage nocturne et que sais-je. Ce qui est dans une certaine mesure vrai, mais ce qui occulte la cause la plus évidente et la plus simple à déterminer, qui est le fait qu'on a mis de l'insecticide partout. Il y a des exemples comme ça dans des vallées en Chine où ils ont utilisé massivement des pesticides, où ça a détruit complètement l'entomofaune. Et aujourd'hui, ils sont obligés, donc c'était de la culture de cerisier, de faire de la culture à la main. Et on se rend compte qu'on est extrêmement inefficace, enfin l'humain est extrêmement inefficace avec des petits pinceaux pour polliniser une à une les fleurs de cerisier, que les rendements sont très très mauvais et qu'on n'est pas capable de reproduire ce travail énorme que font les pollinisateurs et que font les insectes. Je pensais à ça dans les substitutions de pollinisateurs. J'avais entendu parler de mini-robots qui remplaceraient les abeilles domestiques. Emmanuel Porcher. Alors ça, c'est des projets sur lesquels travaillent certaines entreprises qui sont vraiment à l'état de prototype pas fonctionnel. À mon sens, c'est assez illusoire quand on connaît la complexité des relations entre les plantes et leurs pollinisateurs de réussir à produire des robots qui soient capables de réaliser la finesse de la fécondation qui est le résultat d'une interaction qui a évolué pendant des millions d'années. Et par ailleurs, je trouve ça assez dommage qu'on essaye de trouver une solution au problème du déclin des pollinisateurs une solution technologique avant d'essayer d'empêcher la disparition de ces pollinisateurs. Ben oui, là on est depuis 20 minutes devant, il y a 50 fleurs, entre 50 et 100 fleurs. Ça n'arrête pas les visites, on est depuis 20 minutes. Pour faire l'équivalent juste de ce qui a été fait là pendant les 20 minutes par les divers insectes qui sont passés, il faut y passer une journée. Donc voilà, il y a une différence d'échelle, il n'y a pas de substitution possible. Un effondrement des populations d'insectes, c'est juste à peine imaginable l'ensemble des conséquences qu'il y aurait. Au cours de l'évolution, c'est arrivé très fréquemment des espèces qui se sont passées des pollinisateurs et qui sont devenues autofécondes. Et ça, de manière quasi systématique, c'est associé à une diminution de la taille des fleurs, un changement de leur couleur, elles deviennent de moins en moins visibles, de plus en plus ternes, et un changement des parfums qu'elles émettent. Elles sont aussi de moins en moins attractives. Et il y a une étude expérimentale qui a mimé ça, en faisant évoluer des plantes dans un environnement sans pollinisateurs. Et ce qu'elle montre, c'est que très rapidement, en quelques générations, on commence à voir des changements dans la taille des fleurs qui deviennent plus petites. Quand même, si on enlève toutes les plantes à fleurs, on remonte, on remonte au Jurassique, même avant. Olivier Bétou. Bon, on ne pourrait plus vivre, en fait, hein, tout simplement. Enfin, paléo-entomologue. On mange des cailloux, quoi. Au muséum. À 250 millions d'années. C'est-à-dire qu'on fait un bond dans le passé, 250 millions d'années. Va falloir se nourrir d'épines de sapin, quoi. Ou de feuilles de ginkgo, enfin ce que vous voulez, mais ça va être un peu maigre. Hein. Plus de pommes, plus de tout, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il y a un souci avec l'environnement, qu'il y a un souci, bien sûr, avec le climat, mais aussi avec la biodiversité, que dans les deux cas, il faut être plus raisonnable qu'on ne l'est. Je pense que cette prise de conscience, elle se situe dans pas mal de compartiments de la société, donc il faut la renforcer. Et il faut la renforcer pas seulement avec la peur ou l'anxiété, parce que ce sont bien sûr de mauvaises conseillères, il faut prendre conscience, on a le droit d'avoir peur d'un futur incertain, bien sûr, mais il faut aussi la renforcer avec l'intérêt, avec la compréhension des causes, aussi l'émerveillement devant une certaine diversité, hein, mais également même peut-être attirer à la biodiversité des personnes qui ne s'y intéressent pas parce qu'ils sont un peu phobiques, ils la jugent désagréable, mais finalement en les attirant, en leur faisant comprendre comment fonctionne cette biodiversité qu'ils jugent désagréable, peut-être on va les amener à admettre au moins qu'il faut en garder une bonne partie. Et je pense que cet appui sur la société dans tous ses compartiments peut aider nos gouvernants à prendre de bonnes décisions. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit qu'elles sont prises souvent sous l'effet de la pression médiatique et pas toujours de manière très spontanée. Aujourd'hui, la science, elle est de plus en plus dépendante de financements qui ne sont plus récurrents. C'est-à-dire les chercheurs, il faut qu'ils reviennent à intervalles de temps réguliers devant des cénacles, des organismes de financement pour réclamer de l'argent pour poursuivre leurs recherches. Et ce mouvement, en fait, il est concomitant d'une nouvelle approche, d'une nouvelle façon de regarder la recherche scientifique et qui est une approche qui est voulue par le pouvoir politique, qui est de considérer la recherche comme étant une source d'innovation technique, une source de brevets, de nouveaux revenus, de nouveaux marchés. Et les gens qui travaillent sur les sciences de l'impact, qui vont essayer de documenter des impacts délétères d'innovation technique, eh bien, ils ont plus de mal à récupérer des financements que d'autres. Dans ce groupe de scientifiques, hein, qui s'est baptisé la Task Force sur les pesticides systémiques, la TFSP, il y a vraisemblablement autour d'une centaine de chercheurs qui sont membres de ce groupe, mais sur cette centaine, il y en a une grande partie à titre confidentiel. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas que leur nom apparaisse dans la liste des signataires ou des auteurs de certaines études qui sont publiées par ce groupe informel. Avoir une parole publique libre pour un chercheur sur ces questions, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des menaces sur des financements, il y a des menaces sur des postes. L'industrie agrochimique, c'est une industrie qui est extrêmement puissante, qui finance beaucoup de recherches, qui a ses entrées aussi dans les administrations publiques. Et c'est compliqué pour les chercheurs d'avoir une parole vraiment libre et critique sur ces sujets. Dans mes collectes, en particulier ici en Europe, parce que c'est au quotidien que je l'ai vécu. Adeline Soulier, enseignante-chercheuse au muséum, spécialiste des hémiptères. Des souvenirs d'enfance avec des myriades de papillons dans les Alpes où j'allais en vacances ont grandement diminué depuis. Mais c'est certain que dans nos collections, on a certainement des témoins d'une biodiversité qui a disparu déjà aussi. Donc, si a priori, on pourrait penser que décrire des espèces, c'est futile parce que ça, on ne voit pas l'impact immédiat, mais en fait, c'est une étape préliminaire indispensable. Parce qu'on ne protège et on ne sauve que ce que l'on connaît et que l'on sait que c'est là. Souvent, les gens nous disent, je me suis mis à voir des choses qui étaient devant moi, mais que je n'avais jamais vues. L'œil s'aiguise et on se met à voir l'invisible qu'on ne voyait pas et qui pourtant était là. Et finalement, quand on va regarder la nature comme ça autour de soi, on va déjà se rendre compte qu'elle est là. Et puis après, on va aussi pouvoir changer la façon de l'appréhender, la façon, et peut-être plus avoir envie de la conserver. Et il y a des résultats là assez récents d'une étude qui a été faite à partir d'un de nos observatoires, qui est un observatoire de suivi des papillons, sur les comportements des participants, parce qu'on demande aux participants de compter, d'identifier les papillons de leur jardin, mais on leur demande aussi de renseigner leurs pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'ils mettent dans leur jardin des produits phytosanitaires ou pas, qu'est-ce qu'ils font. Ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de la participation, les participants diminuent l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ça, on a aussi, à travers cette participation, on change les pratiques et on change sa façon d'aménager, de cultiver son jardin. Ronces ortillières et une zone complètement laissée libre d'entretien. Donc, si on veut plus de papillons au jardin, on laisse la moitié du jardin partir en vrille totale. On lui fout la paix. Oh, petites, les petites, petites fourmis. Oh, l'orchidée sous la fenêtre de Haroun Taziev sur l'île Saint-Louis. Oh, le désert aux cailloux noirs du Haut-Pérou. Oh, luisant, le vert luisant, chaque soir il éclaire le chemin de nuit dans le bois des élous. Oh, merveille, merveille, tous mes merveilles. Oh, les minuscules débris de coquillages que ma minuscule fille sur plage de sable ramasse dans son tamis. Oh, araignée, l'araignée grosse comme ma main qui court sur l'île de la Réunion au cirque de Salazie. Et ces toiles sont faites de fils d'or, oui, des fils dorés. Et les gens de là-bas tissent les fils dorés de l'araignée pour en faire une robe. Oh, les oiseaux d'Australie qui font de la peinture, oh, oh, merveille, merveille, tous mes merveilles. Oh, la feuille de l'arbre à baie rose et qui sent la baie rose. Oh, la feuille de l'arbre à cannelle et qui sent la cannelle. Oh, la fleur d'ylang-ylang et la fleur du bougainvillier. Oh, fleur, fleur, la fleur, toutes les fleurs. Oh, l'écorce de l'arbre qui ressemble à une immense feuille de papier. Oh, merveille, merveille, tout, tous mes merveilles. Oh, les éphémères, les nuages d'éphémères qui s'écrasent cette nuit sur l'écran de ton ordi. Minuscules éphémères, les plus anciens insectes de notre monde, tu sais. Pendant 3 ans, elles vivent à l'état de larve. Et puis, le temps d'une demi-heure, leurs ailes ont enfin éclos, c'est la nuit. Et en nuages de milliers d'éphémères, elles s'écrasent sur l'écran de ton ordi. Elles perdent leurs milliers d'ailes. Et on passe le balai par terre pour ramasser tapis d'ailes. Et moi? Moi, je me sens pareil à ce tapis d'éphémères qui ont perdu leurs ailes en se cognant à la lumière. Oh, oh, merveille, tous mes merveilles. Laurence Vielle. C'était Des insectes et des hommes, une émission de Juliette Boutillier et Jean-Philippe Navarre, mixage Benjamin Vignal, prise de son en Belgique Christophe Papon. Merci beaucoup à Anna Schmuck, que nous n'oublions pas, ainsi qu'à Virginie Gresset. Les textes sont lus par Laurence Vielle. Merci à tous les passionnés du Muséum d'Histoire Naturelle. Et merci à la grande famille de la tribu des entomologistes et aux autres insectophiles.